je la chante pour toi. Bésame mucho, comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire corps fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho.